À l'occasion du 60e anniversaire du commencement du pèlerinage aux anciens théâtres de combat révolutionnaires du district du Mombektu par le dirigeant Kim Jong-il, les cadres responsables de l'État et de l'armée et les officiels des organes du parti et des forces armées, du cabinet ministériel, des organisations des travailleurs, ministères et établissements centraux ont visité ces hauts lieux. Ils ont déposé des gerbes de fleurs et se sont inclinés devant la statue du président Kim Il-sung du grand monument de Samdi-yeon et ont visité le 4 courants, le musée de la révolution de Samdi-yeon. Ils ont visité aussi la maison natale de Kim Jong-il à l'ancien consacré du Mombektu. Ils ont fleuri la fresque en mosaïque représentant les trois généraux du Mombektu avant de leur faire hommage. Le 5, ils sont montés sur le sommet du Bektu, mont sacré de la révolution.